Jacqueline, bonsoir à toutes et à tous. Pour toutes les zones de la mer du Nord et de la Manche,